Raúl Castro Ruz, président du Conseil d'État et président du Conseil des ministres de la République de Cuba, a fait parvenir le 5 septembre son message de consolation au respecté camarade Kim Jong-un. Il a écrit qu'il a reçu la nouvelle des dégâts causés par l'inondation dans la province de Hamgyong du Nord et exprimé ses profondes consolations au Parti Travail de Corée, au gouvernement et au peuple de la République populaire démocratique de Corée et aux familles des victimes au nom du parti, du gouvernement et du peuple cubain. Il a rendu l'hommage le plus sublime au camarade Kim Jong-un.